Bouge ton corps comme un enfant et tu me regardes, ça me retarde. J'aimerais tout et ça, tant pis si c'est malsain. Je ne sais que dire, je me mets à écrire, je trouve la chute. Sinon, eh bien, zut! Ton corps tout huileux te fait de jolis yeux, même si tu louches quand tu te couches. Couché sur le béton raide comme un c'est que dire. Je me mets à écrire. Je trouve la chute. Sinon, eh bien, zut. Dans le signe de la mort dessiné sur ton corps. Par les âges de l'amour, lorsque je t'aboure, avec ou sans jupe, tu restes ma minute. Quand je ne sais que dire, je me mets à écrire, je trouve la chute, sinon.